est une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me reprends. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me reprends. Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, Seigneur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me reprends, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me reprends. Fais de moi ce que tu voudras. Merci, Jésus. Dis-moi ce que tu voudras, Seigneur. Ce soir, Seigneur, je sens l'adoration, Jésus, qui vient au fond de mon cœur, Seigneur. Comme l'argile devant le potier, donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Comme l'argile devant le potier, donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, Seigneur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, Jésus. Un parfum. De bonne odeur. Devant toi, je me reprends. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me reprends. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi, je me reprends. Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, Seigneur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, Jésus, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Papa, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. C'est le roi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Devant toi je me réponds ce soir Seigneur. Fais-moi ce que tu voudras. Fais-moi ce que tu voudras. Merci. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que mon fils soit une fleur, Jésus, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi tout ce que tu voudras, Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions adorer d'une manière notre Dieu ce soir. Alors je vais nous demander, nous tous, de nous tenir debout. Et au moment où tu es en train de te tenir debout, tu commences à acclamer le Seigneur. Commence à l'acclamer, commence à l'acclamer. Bien-aimé, tu commences à l'acclamer. Tu commences à l'acclamer. Alléluia. Merci Jésus. Commence à l'acclamer. Anza comme piqué à Mikono. Commence à l'acclamer. Anza comme piqué à Mikono. Rena reba chique. Piqué à Mikono. Commence à l'acclamer. Tu acclames le Seigneur. Piqué à Mikono, voilà. Continue à l'acclamer. Continue à l'acclamer. Piqué à Mikono. Continue à l'acclamer. Indéléa, indéléa, indéléa. Au moment où tu es en train de l'acclamer, wakati kuna piga mikono, commence à l'adorer. Unaanza kumwabudu. Commence à l'adorer. Anza kumwabudu. Donne-lui tous les noms possibles. Comment tu appelles ce Dieu? Qui est-il devant toi? Acclame et adore. Acclame et adore. Anza kumwabudu. Acclame et adore. Oh Seigneur, nous te bénissons. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le prince de paix. Alléluia. L'agneau immolé. Alléluia. Le Dieu sans fin. Le Dieu éternel. Le Dieu tout puissant. Merci, Seigneur. Oh l'incomparable. Merci. Qui peut t'égaler? Qui peut se comparer à toi? Oh voilà pourquoi nous te bénissons ce soir. Oh, sois béni Jésus, sois béni Jésus, sois béni Jésus, dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Tu peux reprendre ta place, bien-aimé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Je ne vous entends pas, bien-aimé. Ici, Amen. Ici, est-ce que tu peux lever la main de là où tu es? Que Dieu te bénisse. Bwana akubariki. Nous bénissons l'Éternel Dieu ce soir. Tunabariki wa milele Mungu jioni ya leo. Lui qui nous a fait grâce. Yalitufanyia neema. Pour qu'ensemble nous puissions prier. Aujourd'hui, c'est un jour de prière. Leo ni siku ya maombi. Et nous lui rendons grâce de nous avoir utilisé pour être cet instrument ce soir. Kwa vyombo yake mangaribi ya leo. Qui va nous introduire en prière. Tadingisha maombi. Nous témoignons notre reconnaissance tunarudisha ufahamu wetu auprès de notre papa Désiré mbele ya baba mchungaji ainsi que maman Elvire. Pour la confiance nous témoigner, nous remercions les anciens, le diacre, les serviteurs, et vous aussi qui êtes là ce soir, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors sans plus tarder, il nous a été introduit, vaincre la vie par la connaissance de Dieu, qui est tiré du livre de Nombre, inatokea mkitabu ya Hesabu chapitre 4 sura ya 4 du premier au 9e verset. Mstari wa kwanza mpaka wa 9. Nombre chapitre 14 Hesabu sura ya 4. Nombre chapitre 14 Hesabu sura ya 4 du premier au 9e verset. Toka mstari wa kwanza mpaka wa 9. Nous pouvons lire. Tunaweza toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, ne le craignez point. Amen. Amen. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Aujourd'hui, ce soir, nous voulons prier. C'est un jour de prière. Et nous allons faire quatre sujets de prière sur quelques points que nous avons tirés de ce texte. Alors, dans ce récit, nous retrouvons quatre thèmes. Le premier thème, c'est le mot désespoir. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi désespoir? Désespoir. Bien-aimé, le désespoir, c'est un état d'esprit qui est caractérisé par la perte totale de l'espoir. Ces peuples, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont retrouvé la mer Rouge. Sur le chemin, ils n'avaient pas d'eau. On a ouvert le rocher. Sur le chemin, ils ont trouvé le Jourdain. Ils ont traversé. Et devant toutes ces choses, ils trouvent une ville. Ville fortifiée. Ils ont rencontré des peuples. Ils ont vaincu. Anak, les fils d'Anak. Ce sont des gens qu'ils n'ont jamais rencontrés. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, il y a des moments dans la vie où tu te rencontres devant des problèmes que tu n'as jamais imaginé rencontrer dans ta vie. Il y a des moments, des situations auxquelles tu t'attendais. Ils ont combattu des peuples. Mais c'était des gens comme eux. Mais là, ils retrouvent des géants, les fils d'Anak. Ils étaient comme des Goliaths. Et ce n'était pas un seul, mais c'est tout un peuple qui était comme cela. Quelque chose qu'ils ne s'imaginaient pas. Peut-être ce soir, Tu rencontres aussi des choses ou des problèmes ou des situations que tu ne t'imaginais pas dans la vie. Que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans le couple, que ce soit au travail, que ce sont des situations pour lesquelles tu ne t'attendais pas. Et c'est le désespoir qui arrive. Alléluia. Amen. Le désespoir, c'est tout à fait normal ni kawaida que quelqu'un soit désespéré. Mmoja poteze tumaini. C'est tout à fait normal ni kawaida en tant qu'humain ama mtu se retrouver devant quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Kujikuta mbele ya mambo ila ukwazi. On doit toujours se poser des questions. Utajiuliza paka. Et c'est pour cela ninjo kwa ile dans ce domaine ile atua bien-aimé, il y a une chose. Nous ne devons pas traiter des problèmes d'une façon humaine. Les problèmes qui nous arrivent peuvent être grands. Les situations que nous rencontrons souvent peuvent être énormes. Mais que cela ne puisse pas entraver notre foi. Si Dieu kama Mungu a parlé, alisema, il a parlé, alisema. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu a parlé, kama Mungu alisema, réellement il a parlé, akika alisema, tout ce qui peut se manifester bile biote binaweza kuna kama notre chemin mbele ya njia yetu. Nous devons toujours nous rappeler, tunapasha kukumbuka, que Dieu ya kwamba Mungu avait parlé, alisema. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, Mungu anasema, tu vas te marier. Utaoa en 2026. Je donne l'exemple. Na leta mfano. Dieu dit, Mungu anasema, tu vas te marier en 2025. Ndoa yako 2025. Ça c'est ce que le prophète a dit. Ile ni ile nabii alisema. Tu vas te marier. Patakuoa utaoa. Tu attends 2025. Unachunga 2025. On arrive à la fin de 2025. Afika kumwisho ya 2025. Tu n'as rien vu. Aone kitu. On entre en 2026. Moi, on m'avait dit en 2025. Mais on est en 2026. Ça se trouve en 2026. Voilà les fils d'Anak. Ona wana wanake. Bien aimé, il y a certaines résistances dans la vie. Wapenda kuko upinzani moja ndani ya maisha. Certains blocages. Kuna bifungo bingine maisha. On rencontre. Bile tukunakutana nabio. Et qui nous donne et qui nous met dans un état de désespoir total. Et ce peuple s'est dit, il s'est accablé. Ils sont entrés dans la détresse. Ils étaient dans la désolation. Dans le découragement total. Ils étaient dans le chagrin. Parce qu'ils ont passé tout leur temps. Et au moment où ils sont à la porte, même de la promesse de Dieu, c'est là qu'ils trouvent une forteresse. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce soir, sache qu'à tout moment, jua kwamba wakati yote tu trouves une forte résistance dans ta vie. Unakuta upinzani moja maisha yako. Sache que non loin de cette résistance, jua kaina mbali na ile upinzani, il y a la porte de la solution de ton problème. Peko mulango ya jibu ya mambo yako. Il pouvait marcher toutes les villes. Bali pasha kutembea mtu mshi. Pour entrer, la porte est là. Jua kuingia kile kibambazi. Pour entrer, ils sont arrivés. Banafika jua kuingia. Et ils entrent dans le désespoir total. Banengia mkupoteza tumaini. Alors je m'arrête. Napenda kusema, pour ceux qui sont en train de noter, kwa wale wako naandika, bien aimé, wapendwa, nous ne devons pas désespérer. Tusipoteze tumaini. Quel que soit le problème que nous rencontrons, ingawa mambo tunakutana nayo, nous ne devons pas désespérer. Tusipoteze tumaini. Pour un enfant de Dieu, kwa mtoto wa Mungu, le désespoir n'est pas le mot à utiliser dans la vie. Tupoteze tumaini haina tamko ya kutumia maisha. Il faut toujours espérer. Yafadhali kutumainia. Parce que c'est de l'espérance que nous vivons. Ni mkutumainia ndio tunaishi. Nous, en tant qu'enfant de Dieu, kama watoto wa Mungu, c'est de l'espérance que nous vivons. Tunaishi na matumaini. Amen. Amen. La deuxième des choses ce soir, atua ya pili jioni ya leo, avant de passer à la deuxième des choses, Kabla kupita kutamko ya pili. Écoutez ce peuple dit ceci. Sikieni taifa nasema hivi. Il a fallu que nous restions en Égypte. Ilipasha tubakie mu Misri. Au lieu de nous amener dans ce désert mourir. Kabla kutuingiza mujangwa tukufie humu. Alors je me pose la question. Najiuliza. Ce peuple. Itaifa. Ils ont traversé la mer rouge. Balitambuka bali nyekundu. Un moment très difficile où ils pouvaient mourir. Wakati moja ya nguvu balipasha kufua. Ils ne sont pas morts. Aba kukufa. Ils ont traversé le Jourdain. Banatambuka Yordani. Ils ont connu des problèmes de famine. Banapata mambo ya njaa. Ils ne sont pas morts. Aba kukufa baba. Bien-aimé. Wapendwa. Tu as rencontré des problèmes et des problèmes dans ta vie. Ulikutana na mambo maisha ya. Le problème que tu rencontres maintenant. Ile mambo nakutana nayo sasa. Ce n'est pas le problème qui va t'amener à ta mort. Haina mambo itakupeleka kurufu. J'aimerais te rassurer. Na kuhakikishia. Le problème que tu rencontres maintenant. Mambo ile nakutana nayo leo. Ce problème là qui va t'amener à ton destin. Ni ile mambo itakupeleka kubalako yako. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Le problème que tu rencontres, ce n'est pas le dernier problème. Ce n'est pas le premier et le dernier. Parce que tu as déjà rencontré des problèmes et des problèmes. Et avec Dieu, tu es en vie. Uko mzima. Avec Dieu, tu es victorieux. Pamoja na Mungu unapata ushindi. Kuna manyakati. Tu réalises. Unangalia. Que un mois est passé. Sasa mwezi mmoja unapita. Mais tu regardes dans tes budgets et tes finances. Unangalia mu budget yako ya fedha. Tu t'imagines pas comment tu as traversé ces mois-là. Awawashie namna kanulitambuka. Il y a des problèmes qui pourront arriver. Nikusema kuko mambo yanaweza kupita. Ces problèmes ne sont pas les derniers à arrêter ta vie. Na ile mambo ina ya mwisho ndio kusimamisha maisha yako. Tu dois toujours comprendre. Tunapaswa kuelewa. Ce qui nous arrive. Ile inatufikia. Ce sont des portes. Inakuwa ni milango. Pour nous amener à notre destin. Ndio kutupeleka kumalako yetu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mmoja anaweza kusema amina. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Approchons-nous donc. Karibie assurance na hakikisho du trône de grâce kukiti ya neema afin d'obtenir miséricorde ili tupokee rehema et de trouver grâce pour être secouru na kupata neema ya usaidizi dans nos besoins mu mahitaji yetu. Nous devons avoir l'assurance bien-aimé. Tunapata kuwa na hakikisho. Le désespoir ne peut pas nous emparer. Kupoteza tumaini kusitushike. Aujourd'hui l'enfant de Dieu c'est un homme désespéré. Leo mtoto wa Mungu ni mtu anapoteza tumaini. Un enfant de Dieu. Leo mtoto wa Mungu. Il te dit ça fait des années. Et unakuambia miaka inapita mingi. Je suis à l'église que je prie. Niko kukanisha niko naomba. Je fais ceci et que je fais cela. Nafanya makazi ya kwa chana. Bien-aimé ne désespère pas. Wapendwa usipungukiwe. Quelqu'un qui ne désespère pas. Parce que le fait d'avoir cette assurance, kama unakuwa na ile hakikisho, au moment opportun, wakati yenyenea, il y aura le secours de l'Éternel. Utakuwa msaada ya Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mmoja anaweza kusema amina. Alors la deuxième des choses, kitu ya pili, sur laquelle je voulais parler ce soir, kenye nilipenda kusumuzia jioni, rapidement parce que nous allons prier. Tenda kwa haraka njoo tutaomba. C'est la rébellion. Utomboki. La rébellion. Utomboki. Vous savez. Munajua, devant la situation telle qu'elle s'est présentée, mbele ya mambo vile lionekana, le peuple s'est rebellé. Taifa natomboka. Le peuple se rebelle. Taifa natomboka. Ils se tirent les uns. Banasemezana mmoja na mwingine. Nommons un chef. Tuchakule wa kutuongoza. Ils avaient Moïse et Aaron. Balikuya Musa na Aruni. Mais devant la situation, mbele ya mambo, ils veulent changer de chef. Banapenda bachakule wa kubaongoza. Le problème n'est pas des chefs. Mambo na kiongozi. Le problème c'est nous-mêmes. Mambo ni shebe nyewe. Alléluia. Amen. Le problème ce n'est pas de changer le chef. Mambo ina kutosha. Le problème ce n'est pas de changer de dirigeant. Mambo ina kuchange viongozi. Mais le problème c'est que nous-mêmes. Mambo ni shie. Que nous puissions comprendre les choses. Tuelewe bintu vile kunapitika. Changeons de chef. Kugeuza kutongoza. En Égypte. Na turudie mu Misri. Vous savez la Bible dit. Munajua Biblia inasema. Celui quiconque met la main à la charrue. Ula naweka mkono kubruete. Quiconque. Yoyote. Met la main à la charrue. Ula naweka mkono kubruete. Regarde en arrière. Na anangalia nyuma. Il n'est pas digne de Dieu. Ashistahili mbele ya Mungu. Celui qui met sa main à la charrue. Ula naweka mkono yake kubruete. Mais qui a ses pensées toujours retourner en arrière. Mafikili yake kupaya kurudia kumkongo. N'est pas propre au royaume de Dieu. Vous savez, le royaume de Dieu, c'est quoi? Munajua ufalme wa mbingu ni nini? C'est la paix. Salama. C'est la joie. Mifura. Et la justice de Dieu. Na waki ya Mungu. C'est ce que la Bible nous donne comme définition du royaume de Dieu. Ni ile Biblia inatuambia kama kusemeo kwa ufalme wa Mungu. Kama tunapenda kuishi furaha. Vivre en paix. Tuishi salama. Et vivre la justice de Dieu. Na kuishi waki wa Mungu. Nous devons tunapasha suivre ces préceptes. Kufuata kanuni. C'est-à-dire quand je mets la main à ma charrue, je dois avancer. Je ne dois pas un moment arrêter et rétrograder. Non, non. Na nirudie kumukongo. Je dois avancer, aller de l'avant. Bien aimé, devant des situations, il y a un esprit de rétrograde. Kukopepo moja kurudisha nyuma. Qui nous anime. Il est qu'on a tout kamata kabisa. Pour dire, en tout cas, si je pouvais rentrer. Kama nilipasha kurudia. Il est déjà chez lui à la maison. Kobantu alikuwa déjà kwake nyumbani. Il est marié mais il aimerait d'abord rentrer en famille. Alors anaoa lakini anapenda kurudia nyumbani. Il dit en tout cas, le mariage c'est un peu compliqué. Ndoa ni mateso kabisa. Je ne sais pas tenir de janvier en décembre. Mina shinda kwanza janvier jusqu'à décembre. Il est le bout du mois. Mina shinda kulipa taa ya mwisho ya mwezi. Rentre chez moi. Mina rudia kwetu. Narudia mjama. Bible dit un rétrograde. Biblia inasema ule kunarudia nyuma. Propre au royaume de Dieu. Ana safi kufalme wa mbingu. Pas mettre la main à la charrue. Hautaweka mkono kumruwezi. Regardez en arrière. Na uangalie nyuma. Ce peuple d'Israël. Itaifa Israel. Devant Canaan. Mbele ya Kanana. Ils ont commencé à penser à rentrer en Égypte. Wanaanza kuanza kurudia mu Misri. Peut-être tu as d'autres imaginations ce soir. Bien-aimé, toi tu penses à autre chose. Dans quel cas que nous venons de citer. Mais le rétrograde n'est pas digne du royaume de Dieu. La rébellion n'est pas bonne. Il se dit, nommons un autre chef. Alléluia. Amen. Celui qui rétrograde, oule qu'on a rudi, c'est celui qui rentre en arrière. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher et aller de l'avant. Kama watoto wa Mungu tunapaswa kutembea na kwenda mbele. Celui qui rétrograde, ule qu'on a rudi nyuma, c'est celui qui va dans le sens contraire. Ni ule qu'on aenda mwali ya kinyume. Du chemin parcouru. Munjia alipaswa kwenda. C'est ce qu'on appelle le mouvement de rétrograde. Ni ile banasema tendo ya kurudi nyuma. Nous devons rester attachés à notre marche. Tunapaswa kubaki kwenye kuambatana munjia yetu. Nous décourage pour rentrer en arrière. Usikwe kitu cha kutupunguza ndio turudi nyuma. Nous décourage pour rentrer en arrière. Kitu cha kutupunguza turudie nyuma. En arrière veut dire aussi quoi? Turudie nyuma ni kusema hivi. J'avais une ancienne vie. Nilikuwa na maisha ya zamani. J'avais une autre manière de vivre. Nilikuwa na hali nyingine ya kuishi. Et quand j'ai des difficultés dans le Seigneur, wakati kuna mateso ndani ya Bwana, je me dis, est-ce que je peux encore aller côtoyer mes amis là? Mina, est-ce que mimi siko tena kukutana tena na bale barafiki? Ndio bale barafiki. D'une manière ou d'une autre. Kuna namna nyingine. Ils pouvaient me soutenir. Bali waza kunisaidia. Alors, est-ce c'est pour ça que nous devons rentrer en arrière? Njo ya ile tutarudia nyuma? Non bien-aimé. Hapana wapendwa. Donc nous devons refuser. Tunapasha kukatala. Refuser cet esprit de rébellion. Tukatale le pepo ya utomboki. Cet esprit de rétrograde. Na ile pepo ya kurudia. Cet esprit de rébellion c'est à tout niveau bien-aimé. Pepo ya utomboki ni mumatua yote. Dans le couple. Ça signe mu jonsi. Être au travail. Inaweza kwa kazi. Être à l'église. Na pasha kwa mkanisa. Être là où nous vivons. Na pasha kwa kule tu unaishi. Ne pas initier un esprit de rébellion. Tusieke mpepo ya utomboki. Les problèmes qui arrivent. Hata mambo yanafika. Un rapport. Yafazali kupeleka habari fulani. Parce que quand je regarde le rapport des 10, les 10 qui ont donné leur rapport. Kama mimi naangalia bale 10 balileta habari hapo. Et les 2. Na bale bawili. Josué et Caleb. Joshua na Caleb. Le rapport était de 1/5. Abali likuya tu hapa katikati ya washana. Ils ne représentaient pas une force devant eux. Nikusema bakonekane nguvu mbele yao. Mais bien que cela peuvent donner leur avis. Ingawa ile taleta mawazo yao. Ils n'ont pas rétrogradé. Parce qu'ils connaissaient quelque chose. Ils étaient confiants de là où ils sont en train d'aller. Ils étaient confiants de ce qui va se passer dans les jours qui venaient. Alors c'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, ayant toujours cette assurance, c'est que Dieu a dit pour un enfant de Dieu, c'est le destin de l'homme. C'est un avenir meilleur. Quand Dieu nous appelle à lui, c'est pour nous garantir un avenir meilleur. Mais il n'y a personne qui est arrivé dans le Seigneur et resté le même sans être transformé. Il n'y a personne qui a rencontré le Seigneur et demeuré le même. Ça veut dire si quelqu'un dans sa bonne foi, sincèrement, s'attache au Seigneur avec assurance et sa confiance, bien-aimé, il a une destinée assurée. Donc, j'aimerais te parler ce soir, bien-aimé, de ne pas désespérer et de ne pas te rebeller devant des situations pareilles. Vous savez, toujours dans ce même récit, au verset 9, Caleb et Josué, Caleb na Joshua, leur dit quoi? Wanawambia nini? Il dit seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâture. Il y a certaines situations qui sont comme des portes. J'ai compris dans la vie, bien-aimée, et chaque fois que tu y es, tu rencontres des difficultés. Ça veut dire qu'il y a une porte qui veut s'ouvrir quelque part. Et si nous fuyons des problèmes, écoutez bien, les épreuves. Voilà. Si nous fuyons les épreuves, nous fuyons les portes que Dieu a prévues pour s'ouvrir dans nos vies. Les épreuves sont comme les éléments déclencheurs d'une certaine bénédiction dans la vie. Baraka moja ndani ya maisha. Joseph, il a fallu Yusufu ilipasha qu'il soit vendu, auzishiwe, qu'il soit en prison, afungiwe mkorokoroni, pour qu'il se retrouve. Parce que j'ai réalisé et j'ai analysé là où Joseph vivait avec son père, quelle opportunité pouvait arriver pour que Joseph se retrouve avec le roi. Il n'y avait pas d'opportunité. Donc, il fallait qu'il y ait des épreuves. Et ces épreuves qui peuvent même l'enlever du milieu des siens pour le rapprocher à la porte de la bénédiction. Ça veut dire qu'il y a des fois des résistances dans nos vies. En réalité, le fils d'Anak et cette forteresse, c'était vraiment la dernière clé. Si elle s'ouvre, ils entrent à Canaan. Mais ils étaient là pour que Dieu a mis ces gens-là là. Pourquoi il ne les a pas mis au début et mettre la mer rouge à la fin? Non, Dieu sait comment ces épreuves se passent. Et c'est pour que il voit comment mieux entrer et comprendre qui est ce Dieu qui les a amenés là. Les 10 et l'autre peuple, vraiment, ils n'ont pas pu entrer. Pourquoi? Parce que ils ont fui l'épreuve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les épreuves dans la vie. Bipimo ndani ya maisha. Les circonstances là difficiles. Ajira moja ndani ya maisha. Ce sont des portes. Ni milango. Qui nous amène à notre destin. Iko natupeleka kwa ujio. Ce sont des portes. Ni milango. Qui ouvre à notre bénédiction. Iko nafunguka njia ya baraka yetu. Alors, nous ne devons pas nous rebeller. Tusiwe watomboke. Nous ne devons pas désespérer. Wala tusipoteze tu maini. Alors la troisième des choses. Kitu ya tatu. Que je voulais parler ce soir, c'est la confiance en Dieu. Nous devons bien aimé avoir confiance en Dieu. Dans ce que nous avons lu, les 10 ont donné leur version. Et la version de ces 10 là, c'est une version des gens qui avaient peur. Il y a quoi, la version des gens qui n'avaient aucun espoir. Ils avaient peur. Maintenant, Caleb et Josué prennent la parole. Vous sentez une différence totale. Et ils disent ceci. Ils disent, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, Yoshua mwana wa Nuni et Caleb fils de Jephné, na Caleb mwana wa Yefute, déchirèrent leurs vêtements. Baka pasua mavazi ya. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Banasema hivi na taifa batoto ya Mungu. Le pays que nous avons parcouru. Imuti tuliweza kupeleleza. Pour l'explorer. Injua kuyatazama. Est un pays très bon. Ni mukini mzuri. Excellent. Iko ya damani. Ça veut dire, Nikusema, il y avait quelque chose de valeur kulikuya kitu ya bei, qu'il fallait arracher. Kile lipasha kukokot, et cette chose de valeur na kile kitu lipasha ne pouvait pas aussi se prendre facilement. Aba kupasha kukibeba hivi. Ce pays là, imuji, il est très bon, iko mzuri kabisa, et excellent, na ya damani. Mais il rajoute, c'est là que je demande, bien-aimé, que nous puissions avoir la confiance en notre Dieu. Si l'Éternel nous est favorable, les 10 autres ne comptaient que sur leur force. Parce qu'ils regardaient leur taille et ils regardaient la taille des Anak. Mais Josué et Caleb, Joshua na Caleb, ne regardaient pas leur capacité physique, ya mwili, mais eux avaient mis confiance en quelqu'un. C'est pour cela que je te parle ce soir. Quel que soit le problème, ingawa mambo, ne regarde pas tes capacités. Même dans l'école, Mule, quand on dit que toi tu n'es pas intelligent, kule banasema una toi ne regarde pas ce que les gens disent, bile batu mais mets ta confiance en Dieu. Weka tumaini yako, parce que c'est lui qui donne l'intelligence. C'est l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Amen. Ce que tu trouves qui est comme déficit dans ta vie, ce que tu trouves dans ta vie qui est comme handicap, cela ne te donne pas une conclusion sur ta vie. Parce que c'est peut-être ce défaut-là qui va faire que demain tu deviennes quelqu'un. Dieu ne cherche pas les gens qui sont forts, mais il cherche le faible pour faire deux défauts. Il cherche ceux qui sont rien pour qu'ils deviennent des gens dans la vie. Donc, ce qui te détermine aujourd'hui, que cela ne puisse pas te décourager pour dire que toute ta vie c'est ça. Que cela ne puisse pas te mettre dans le désespoir total. Ce qui te caractérise, c'est ça ce que Dieu va utiliser. Pour que demain, on dise que non. En tout cas, il a un Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as un Dieu? Akika uko na Mungu? Est-ce que en tant qu'enfant des sources fécondes, ama mtoto wa chemchemi, est-ce que tu as un Dieu? Akika uko na Mungu? Alors si tu as un Dieu, kama uko na Mungu, bien-aimé, ne désespère pas. Sasa usipoteze tumaini. Ne désespère pas. Usipoteze tumaini. Ne regarde pas. Usirudie nyuma. Ne désespère pas. Usipoteze tumaini. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Unaweza kupiga mikono kwa ajili ya Bwana. Aie confiance. Kuwa na matumaini. En Dieu. Ndani ya Mungu. Des fois, nous prenons des conclusions. Sur des choses que nous voyons des yeux. Mais nous ne savons pas ce que Dieu lui a permis dans le monde spirituel. Vous savez que Élisée, on était en train d'attaquer la ville. Ils sont venus avec des chars et des chevaux. Alors son serviteur court, il vient, il dit. En tout cas, ils ont des chars et des chevaux. Mais quand Dieu l'a ouvert seulement les yeux, il a vu que ceux qui étaient avec eux étaient plus que ceux qu'il avait vus. Des fois, nous avons l'œil physique pour voir, mais nous ne comprenons pas l'œil spirituel, ce qui existe dans le spirituel, dans notre environnement spirituel. Bien-aimés, moi je crois qu'un véritable enfant de Dieu, quand il marche, il marche avec une armée. Un véritable enfant de Dieu, quand tu marches, vous savez qu'il y a des choses qui peuvent t'arriver sur la route sans que tu ne les saches. Mais peut-être que il y a des anges, des armées qui sont en train de les enlever, juste quitter ta maison et arriver en ce lieu. Tu sais combien de choses se sont passées autour de toi. Si les yeux spirituels pouvaient s'ouvrir, nous allons donner notre témoignage. Bien aimé, c'est parce que nous gardons toujours nos yeux physiques que des fois nous nous retrouvons dans ce monde de désespoir. Élevons notre façon de voir. Explorons notre vision spirituelle pour comprendre ce que Caleb et Josué eux avaient vu. Vous savez, quand les autres commencent, il dit, ce pays-là, il y a des géants. Mais quand Caleb et Josué et commencent, et ils commencent pour dire, ce pays-là, il est très bon. Et il est excellent. Des fois, notre façon de juger détermine la finalité des choses. Quand nous sommes devant des problèmes et des circonstances, notre façon de juger est vraiment très importante, parce que c'est cette façon de juger qui nous amène à la finalité. Caleb et Josué, et c'était le pays. C'est un pays bon et excellent. On ne pouvait pas dire autre chose. Qu'en est-il qu'il y a aussi des géants? Oui. Mais ils disent, si l'Éternel nous est favorable. Bien-aimé, je crois ce soir que l'Éternel t'est aussi favorable. Malgré la situation que tu traverses, l'Éternel t'est aussi favorable. Est-ce que tu peux dire amen? Malgré ce que tu traverses, malgré les circonstances, l'Éternel, le Dieu des sources fécondes, l'Éternel, le Dieu des désirés mailles, ce Dieu-là, il t'est aussi favorable. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors ne désespère pas. Mets ta confiance. Garde-toi totalement dans les choses de Dieu. C'était un pays très bon. Excellent. Pays où coule le lait et le miel. Et autre chose. Quand Dieu promet en Égypte, il dit, je vous donnerai Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et eux aussi, quand ils sont arrivés là, ils ont dit que c'est un pays excellent et très bon. Et ils ont vu que c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc c'était ça l'héritage que Dieu avait promis. Bien aimé, il y a des fois nous sommes devant même l'héritage. Nous sommes devant la promesse. Mais nous commençons à hésiter. Le Dieu qui avait parlé, ils sont arrivés. Ils ont vu effectivement que c'est un pays où coule le lait et le miel. Bien aimé, peut-être ta promesse, telle que Dieu t'a dit, tu as même des étincelles, tu as des signes, tu as des signes qui montrent réellement, en tout cas ce que Dieu avait dit, en tout cas je sens que c'est ça, mais on a toujours des doutes, on a le désespoir. Par rapport à ce que les gens disent, les gens ont parlé. On nous a parlé dernièrement que les gens murmurent. Ils murmurent, les 10 murmuraient. Que en tout cas nous devons rentrer. Mais Caleb et Josué, eux n'ont pas murmuré. Bien aimé, le murmure ou la rébellion sont des choses à sortir de notre milieu. Nous devons avoir la confiance en notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le quatrième point pour que nous puissions passer à la prière, c'est la dernière partie. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Alors, moi, je fais une analyse. Quand les autres parlaient et parlaient des géants, mais quand les Caleb et Josué et parlent, ils parlent des gens. Ce sont des gens. Ce sont des gens. Ton problème là, il ne représente rien. Il est comme tous les problèmes qui se sont déjà passés dans ta vie. Qu'il soit grand ou petit, c'est un problème. De la même façon que Dieu a résolu le problème que tu as déjà eu dans la vie, ce problème-là aussi, Dieu va résoudre de la même manière. Il n'y a pas quelque chose qui est exceptionnel devant Dieu. C'est pour cela, eux, connaissant leur Dieu et connaissant que toutes choses dans ce monde sont régies par Dieu lui-même. Alors, pourquoi je dois m'inquiéter? Alléluia. Amen. Pourquoi je dois m'inquiéter? Bien-aimé, il y a des gens. J'ai vu une jeune fille. Une jeune fille qui était promise en mariage. Promis en mariage. Et l'Éternel avait bien parlé que cette fille va se marier. Mais arrivé à un certain moment, cette fille était rendue grosse. Elle a eu un enfant. Oh, les gens se posent maintenant la question. Mais Dieu avait dit qu'elle va se marier. Mais comment se fait-il? Tous, même nous-mêmes, nous étions inquiets. Mais après 2 ans, je vous dis bien aimé, cette jeune sœur, avec un enfant de 2 ans, un monsieur qui arrive, directeur de cabinet, il dit, moi je vais seulement prendre cette fille-là. Alors tous, on était étonnés, on dit, mais il dit, en tout cas, moi j'aime seulement cette fille-là. Et c'est cette fille-là, aujourd'hui je vous parle, qui devient une colonne pour sa famille. Donc il y a des choses qui peuvent arriver, bien aimé. Dans la vie, il n'y a pas de fatalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui définissent leur vie par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent. Il n'y a pas de fatalité dans la vie. Il n'y a pas de problème très exceptionnel. Parce que nous avons un Dieu qui est favorable. Il n'y a pas de problème exceptionnel. Il n'y a pas de choses qui seront prises en partie. Notre Dieu, c'est le seul juge et il connaît tout. Il sait tout dans notre vie. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui peut te dire, ah, il mambo. En tout cas, Kunaish. C'est fini, c'est fini. En tout cas, c'est fini. Kunaisha, kunaisha. Ma vie, c'est fini. Il n'y a pas de fatalité. Les géants là que les autres voyaient, Josué et Caleb les ont appelés les gens. Les gens comme moi et toi. Donc pour eux, ils étaient comme des hommes normaux. Des hommes normaux. Donc nous devons, devant des situations, comprendre que chaque épreuve, grand qu'il soit, petit qu'il soit, petite qu'il soit, qu'elle soit, nous devons faire confiance à notre Dieu. Donc, pour conclure et passer à la prière, nous devons travailler notre cœur à demeurer avec assurance sur les paroles et les promesses de Dieu, pour dire que quand Dieu a dit tout ce qu'il a dit, quel que soit le moyen, quel que soit le blocage, il va le réaliser. Quelle que soit la circonstance, bien aimé, je regarde ces bien-aimés, Meshach, Shadrach, Abednego. Ils sont devant le roi Nebuchadnezzar. Ils sont devant lui. C'est le roi lui-même qui vient leur poser la question. Il dit, on me dit que c'est vous qui refusez d'adorer. Ils répondent au roi que ce qu'ils ont dit c'est vrai, parce que nous n'allons adorer que notre Dieu. Le roi était furieux, il dit, ok, activez le feu. Le feu qu'on brûlait normalement, on a encore accentué, de sorte que même ceux qui étaient en train d'activer ce feu, les soldats là étaient en train de mourir. Mais quand on prend ces bien-aimés, on les jette dans le feu. C'est le roi lui-même qui s'élève. Il dit, n'est-ce pas, nous avons jeté trois jeunes gens dans ce feu-là. Ils disent, oui, mais je vois, ils ne sont plus trois, ils sont quatre. Bien aimé, la quatrième personne, c'est cette personne en qui je demande que nous puissions faire confiance. C'est-à-dire, quand tu seras dans des épreuves, tu ne seras pas toi seul. Lui aussi sera là. Il sera là pour s'assurer, pour te rassurer, pour te mettre en confiance. C'est-à-dire, quelle que soit l'épreuve, bien-aimé, ne fléchis pas. Mais mets confiance en Dieu. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mets confiance en Dieu, bien-aimé. Rassure-toi. Parce que c'est Dieu-là. Il t'est favorable ce soir. Alors nous allons prier ce soir. Nous allons prier selon les quatre thèmes que nous avons évoqués en ce lieu. Nous allons prier. La chorale va passer pour nous entonner un cantique. Et de là où tu es, bien-aimé, prie pour ta cause. Il y a des choses dans ta vie qui t'ont mis dans un état de désespoir. Il y a des gens, peut-être il a attendu le mariage tellement que l'ange est avancé. Il est entré dans une zone que les hommes appellent la zone de désespoir. Mais j'aimerais te rassurer qu'il y a une femme qui avait l'âge de 80 quelques, mais qui a porté un enfant. Ce que les hommes peuvent définir, ce n'est pas ce que Dieu lui va définir. Alors j'aimerais que tu puisses prier. Commence à prier. Commence à rendre grâce à Dieu. Tu vas dire, je ne vais pas désespérer. J'espère en tes promesses. Je ne vais pas désespérer. Dans toutes les circonstances de ma vie, je ne vais pas désespérer. Le désespoir ne va pas m'envahir. Le désespoir ne va pas me caractériser. Le désespoir devant les épreuves, je vais continuer. Je vais espérer. J'ai l'espérance. J'ai l'espérance. J'ai l'espérance. J'ai l'espérance. Le désespoir, je refuse. Le désespoir, je refuse. Prie, bien-aimé. Commence à prier au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Oh, Seigneur me dit que parmi nous il y a des gens. Cette entreprise que tu aimerais monter depuis que tu es en train de vouloir monter, tu n'y arrives pas toujours jusque-là. Le Seigneur me dit de te dire ne désespère pas. Toi qui as attendu ce mariage, où le fiancé est toujours en train de chercher l'argent de la dot, bien-aimé, ne désespère pas. Ne désespère pas. Toi qui entends un enfant, les années passent. Ne désespère pas. Dieu, qui est favorable, le Dieu que nous prions en ces lieux, il t'est favorable. Je ne connais pas aussi ton problème, mais ce que je sais, ce soir, le Dieu que nous prions, il t'est favorable. Il t'est favorable. Alors tu vas citer ton problème. Tu vas dire, Dieu, tu m'es favorable. Ce problème, bien qu'il est là, je sais que tu m'es favorable. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Continuons la prière. Dieu t'a promis Canaan. Dieu t'a promis le mariage. Dieu t'a promis la promotion. Dieu t'a promis des finances. Dieu t'a promis des valeurs. Dieu t'a promis des choses. Nous voulons prier. Nous allons refuser. Au moment où je suis à la porte de ma bénédiction, que les gens viennent me décourager. Que les gens viennent me dire, rentrons, abandonne, laisse ces choses-là. Je refuse de rétrograder. Je refuse de rentrer en arrière. Ce que Dieu m'a dit, et tant que je vois déjà des signes, je suis sûr, je vais toucher et je vais prendre ce que Dieu m'a promis. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, je refuse la distraction. Je refuse les rétrogrades. Je refuse les découragements. Je refuse la rébellion. Je m'attache à ma promesse. Telle que tu as dit, Je vais m'attacher dans le nom de Jésus. Commence à prier. Prie, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Oui, Karemashike. Baba. Papa, je refuse la distraction. Je refuse la distraction. Je refuse la distraction. Je refuse la distraction. Je refuse le découragement. Je refuse le découragement. Ce que tu m'as promis. Le Seigneur me dit ceci, parmi nous, il y a des gens en rétrogradant, ils ont même abandonné le Seigneur. Il y a ceux qui sont allés voir même Satan. Il y a ceux qui sont allés jusqu'à l'extrême. Il n'est pas trop tard, bien-aimé. Il y a des moments où tu as pleuré, tu as dit, pourquoi je suis enfant de Dieu? Il y a des moments où tu as maudit Dieu par rapport aux problèmes ou des circonstances que tu traverses. Bien-aimé, ce n'est pas tard. Il n'est pas tard, bien-aimé. Il n'est pas tard. Ce travail que tu as tant entendu, ce travail-là te sera donné parce que l'Éternel t'est favorable. Cette chose-là que tu cherches, l'Éternel va te la donner parce qu'il est favorable. Alors si, dans ta vie, il y a eu des moments où tu t'es éloigné de Dieu, tu as dit j'abandonne, je laisse et j'abandonne. Tu as maudit Dieu, où tu t'es rapproché du monde des ténèbres. Bien-aimé, le moment est donné. Élève ta voix, implore la miséricorde de Dieu. Que Dieu te pardonne. Parce que ceux-là qui se sont opposés, ils ne sont pas entrés à Canaan. Nous voulons prier parce que nous voulons entrer en Canaan. Que ces choses arrivent. Que ces choses arrivent. Je refuse et j'implore ta miséricorde. Ta miséricorde, Yahweh. Ta miséricorde. Oh, ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Yeah, mandé les mouches. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Yeah, maman, maman, maman. Yeah, quand les mouches. Il canta dans ma chica. Yeah, mandé les mouches. Il canta dans ma chica. Oh Seigneur, voici ton peuple qui implore ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Oh la miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, Seigneur, là j'implore ta miséricorde. Et la machine de boss, et la maman, maman, et la machine de boss. Miséricordieux, tu pardonnes nos égarements. Nous voulons être comme Josué et Caleb, qui étaient optimistes, qui cherchaient, qui savaient ce qu'ils cherchaient. Nous voulons être comme ces gens qui regardaient l'avant et qui avancent. Nous refusons de rétrograder pour tomber dans la gêne. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Merci de pardonner. Merci, miséricordieux, pour ta pitié, Seigneur. Nous nous sommes égarés sur des voies parce que les gens ont parlé, parce que les hommes ont dit, mais pas parce que nous avons entendu de Dieu. Nous voulons marcher parce que nous avons entendu de toi. Pas ce que les hommes ont dit, mais parce que nous avons entendu de toi. Parce que tu as confirmé des choses sur nos vies. Oh Seigneur, sois béni. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes tous debout, s'il vous plaît. Nous sommes tous debout. Tu as tes mains levées. Tu vas dire, Seigneur, je te fais confiance. Tu vas répéter après moi, Seigneur, je te fais confiance. Tu vas répéter avec moi, Seigneur, je te fais confiance. Tu vas encore monter. Seigneur, je te fais confiance. Tu vas encore une fois. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Malgré tout ce qui peut arriver dans la vie, Seigneur, je te fais confiance. Alors, c'est une prière où tu assures le Seigneur, où tu lui dis que tu mets ta confiance, tu mets en lui. Tu mets ta confiance en lui. Tu lui fais confiance. Malgré les circonstances, malgré les problèmes que les yeux physiques peuvent voir, mais tu sais qu'il t'est favorable. Alors tu vas dire, Seigneur, je sais que tu es favorable à ma requête. Tu es favorable parce que tu as promis, tu as parlé sur ma vie. Et je fais confiance à ces paroles, à tout ce que les hommes de Dieu ont dit, tout ce que toi-même tu m'as dit, je te fais confiance et je crois que ces choses vont se réaliser. Alors élève ta voix, commence à les déclarer au nom de Jésus. Élève ta voix, déclare-le. Élève ta voix et déclare-le. Élève ta voix et déclare-le. Alléluia. Élève ta voix et déclare-le. Nous entendons ces cantiques, j'aimerais que nous puissions finir notre prière par un moment de louange. Tu claques tes mains. Si tu connais les cantiques, tu les chantes. Si tu les connais mieux, tu danses. Mais tu chantes, nous claquons tous les mains. Nous rendons cette gloire à Dieu parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances.